Les sons du matin. Comme tous les matins, Clarisse ouvre les yeux et se laisse bercer par le chant de laminaire. Elle reconnaît la voix de sa voisine derrière le mur en verre qui les sépare. Avant le chant, personne n'a le droit de se regarder ou discuter. Mais les règles ne stipulent rien sur le fait de chanter très fort, de taper des pieds ou de lancer sa machine à café. Et ça, tout le monde l'a compris à la résidence. Ça amuse souvent Clarisse. Elle laisse son chat miauler. Le chant en est à son deuxième paragraphe. Les murs se colorent sous chaque note, embrasent sa chambre de carmin, puis de vert, avant de terminer sur du bleu azur. Si certaines vibrations sont agréables à ses vertèbres, massent les points de tension dans ses nerfs, d'autres lui tirent une grimace de douleur, comme chaque matin. Clarisse aime ce moment, mais elle a déjà fait remonter au bureau des adorantes de laminaire qu'elle devait proposer une modulation de l'intensité. Le message était pourtant traduit et validé par France Communication, mais elle n'a reçu aucune réponse. Peut-être prendra-t-elle rendez-vous sur place la prochaine fois, en fonction du délai d'attente à la grande fourmi cible. Son visage se froisse une dernière fois sous une note jaune poussin, avant de retrouver sa neutralité. Clarisse aime ce rituel universel. Elle aime moins le matin. C'est trop tôt.